chers amateurs de rock progressif, à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. L'animation, la mise en onde et au choix musical avec la collaboration habituelle de Denis Marchand, Louis et Noël Douville et Robert Blanchette. Et la participation cette semaine d'un auditeur, Denis Guillaume, qui me fait une suggestion d'un nouveau groupe, en fait pas un nouveau, mais une formation québécoise dont j'ignorais la discographie. Ça va se passer au deuxième bloc de l'émission. Le premier bloc est consacré à une pièce extraite du nouveau projet le plus récent de Fabio Zuffenti. Le projet s'intitule La Curva di Lasmo. C'est un projet qui est fait en collaboration avec Stefano Agnini, qui est aussi un musicien italien de la formation La Coscienza di Zeno. Alors, le projet qu'ils ont soumis est sorti il y a quelques semaines. L'album comporte trois pièces assez longues de 9, 16 et 26 minutes. 26 minutes occupe toute la face B du vinyle. Moi, je l'ai en version vinyle, alors je vais vous faire entendre cette version-là qui s'intitule « O rischiato di vivere ». Alors voici la curva di Lasmo. Forse mai esistiti, forse già.

stato di vivere. No, non mi va di sorridere. Vita, se potessi fermarti, avrei tanto da darti, avrei tanto da amarti. Guardi e vai, e non ti fermi mai. I tuoi pensieri sono altri ed io non riesco ad avvicinarti. Sei partito. C'était la formation italienne La Curva di Lesmo avec la pièce I Rischiato di Vivere et cet extrait de l'album du même nom qui porte le nom du groupe La Curva di Lesmo avec Jimmy Farley. On débute donc le deuxième bloc de l'émission avec une formation britannique du nom de Tea and Symphony. C'est un groupe qui a été actif en 1969 et 1970 avec deux albums. Le premier s'intitule An Asylum for the Musically Insane. Et le deuxième, c'est Joe Sago. Et c'est extrait de ce deuxième album-là, Joe Sago, qu'on va entendre la pièce Desperate Oil. Alors voici Joe Sago, album de 1970. Did you think, or did you know, this was where love would go? Or did you think this could be anywhere you wanna make it if you wanna make it? Wanna make it, but you've gotta give it time. Given time, you may find what is here can be found anywhere, everywhere. Everyone will soon be turning on to everyone. No one's gonna stand around not knowing what is going on. And next you won't leave when I ask you to go. I try to deceive me, not letting me know. Me making me happy, upsetting me so. I don't know. They don't show. And now you defeat me, do you want me to grow? Try to believe me before it explodes. Thank you. crying out loud, wanting to be. C'était la formation britannique Tea and Symphony avec un extrait de l'album Joe Sago, paru en 1970, et la pièce s'intitulait Desperate Oil. On va maintenant du côté de la Belgique avec le groupe Hypnose 69. C'est un groupe qui est actif depuis 2001. On leur connaît 6 albums, dont le plus récent en 2010 s'intitule Legacy. Et c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre de Sad Destroy We Lament. L'album s'intitule Legacy, Hypnose 69. Ça s'est paru en 2010. Misty morning, and run out of faith. Same old story. Whisper shame inside. A lifetime we spend together now will sadly lament on. Thank you. Alors, c'était la formation belge Hypnose 69 avec la pièce The Sad Destiny We Lament, et c'est extrait de l'album Legacy qui est paru en 2010. On va maintenant du côté de la Norvège avec une nouveauté du groupe Gazpacho. C'est le nouvel album qui vient de sortir, s'intitule Moloch. J'ai reçu l'album en fin de la semaine, alors j'ai pas eu le temps de l'analyser en profondeur, mais contrairement aux autres albums précédents, la pièce la plus longue est de 9 minutes. Et pour, disons, un silence. J'ai extrait un très court extrait à vous présenter. Et la pièce s'intitule « Algorithme ». Voici Gazpacho. Alors, c'est un court extrait du nouvel album de Gazpacho. L'album s'intitule Moloch et la pièce Algorithme. C'est un court extrait qui est un avant-goût, c'est le mot que je cherchais. Il est un avant-goût de la programmation que vous allez entendre dans les prochaines semaines avec d'autres extraits de cet album-là. Maintenant, nous allons aller du côté du Québec avec une formation du nom de Wireless Blue. C'est une formation qui m'a été proposée par un auditeur, Denis Guillaume. La formation Wireless Blue a une discographie qui comporte deux albums en mode, je crois, électronique sur Bandcamp. Moi, je les ai écoutés et achetés sur Bandcamp. L'album s'intitule « 7 ». La pièce qu'on va entendre, c'est « Monday Morning Again ». Et je voudrais juste faire un survol ici de de la formation des membres musiciens. C'est quand même assez étoffé. C'est un projet qui a l'air à graviter autour de Julien Vachon et avec les musiciens accompagnateurs Stéphane Bellot à la batterie, Jocelyn Maheu à la guitare, Carlos Martin Rétagui Gentilé à la guitare, Thierry Alexandre Zembo à la basse, aux voix, on a Christina Gentile et Estelle Depierre, et on a une section cuivre composée de Julie Blanchette à la flûte, Marie-Pierre Sirois à la clarinette, Annie Hullenbrock à la trompette, Alexandre Lavoie et Alexis Grant Lefebvre au trombone et Mathieu Houd au clavier, avec la participation de Woolly Madden, dont on va entendre la voix en introduction. Et je répète que la pièce s'intitule « Monday Morning Again ». On va enchaîner tout de suite après cette pièce-là, sans interruption, avec une formation italienne du nom de Baroque Project. C'est une nouveauté. L'album s'intitule « Skyline » et la pièce qu'on va entendre, c'est « Ouverture ». Alors voici en série « Wireless Blue ». Excusez-moi, une formation québécoise et Baroque Projet d'Italie. Monday morning again. Monday morning again. Monday morning again. Monday morning again. Again. C'était la formation italienne Baroque Project avec la pièce Ouverture, et c'est extrait du nouvel album Skyline qui est paru il y a quelques semaines. Et ça a été précédé de la formation québécoise Wireless Blue avec la pièce Monday Morning Again. C'est tiré du mini-album 7 qui est paru en 2014, et on peut trouver ça sur Bandcamp. Alors je vous encourage fortement à aller visiter le site et vous apprécierez sûrement ce qui est proposé. Alors, on débute le troisième bloc de l'émission avec une formation italienne méconnue qui a enregistré un seul album en 1974. Il s'agit de Edgar Allan Poe. Et comme la plupart des groupes italiens de l'époque, un manque de promotion a fait passer le groupe sous le radar. Mais avec la mémoire des fans, et l'album est ressorti en CD il y a quelques années et est disponible un peu partout sur la planète Internet. Alors, on va entendre trois extraits de cet album-là paru en 1974. C'est Ad un Vecchio, La Ballade del Cane Infelice et Generazioni. Alors voici Edgar Allan Poe. Già fatto noi In questo mondo c'è sempre il qualunquista che se ne frega e per comodità Ti ho chiesto cosa fosse l'amore. Qui è scienza di sensi, una vita norma. Ed io allora non so amare. Ed io allora non amare. Cane felice insegui la coda, chiudi il cerchio antico di un gioco. Quando la raggiungi, allora è amore. allora è essendo e gioia di sempre. Guardo il fiume e sento già la voglia di andare, veder dove va, che cosa offrirà, mentre per voi si deve salire. come voi spero nel cielo. Simbolo andato, ignoranza di guai per chi non accetta i peccati di mai. Gioia di sempre. No, non vi capisco. Assurdo, piango il volere che mi impedì di conoscere un uomo. Donna non è. C'était la formation italienne Edgar Allan Poe avec trois extraits de l'album Generazioni, paru en 1974. On va aller, pour conclure le troisième bloc, du côté de la Nouvelle-Zélande avec un groupe qui a été actif dans le milieu des années 70, Split Enz de Nouvelle-Zélande. Et c'est un groupe que j'ai connu grâce à une critique musicale dans la revue Mamie's à l'époque, en 1976, qu'un joyeux hippie vendait. Il en avait une quantité raisonnable dans son pack-sac et il faisait une tournée. En tout cas, on avait à chaque mois ou deux mois notre exemplaire de la revue Mamie's qui était destiné au mode d'écoute de musique avec d'autres substituts. Et Split Enz a été recommandé dans cette revue-là comme un nouveau groupe assez flyé à l'époque. Ils ont été catalogués dans Prog Archive comme un groupe de prog qui est par contre devenu plutôt pop-rock avec Tim Finn qu'on a connu. L'émission a migré vers Crowded House qu'on a plus connu du côté pop-rock. Alors on va entendre trois pièces extraites de l'album qui est paru en 1976. L'album s'intitule Second Thoughts. Alors voici Split Enz. Forever of day.

words, why he never has much to say. and I've seen them standing by the birds singing to the birds. Talking to himself, he needs no one to help him on his way. At nights I've heard him screaming through the candlelight. Venez d'entendre la formation néo-zélandaise Split Ends avec trois extraits de leur album, en fait, qui est le deuxième album Second Thoughts, qui est paru en 1976. Nous voilà donc rendus au quatrième bloc de l'émission consacrée au palmarès de Rock de Neuron, en fait, qui est un palmarès qui est un amalgame des 50 meilleurs albums selon la revue Rolling Stones et... avec aussi le site web Prog Archives qui propose aussi son palmarès de 50 meilleurs albums. Et votre animateur a décidé de faire un amalgame des trois en introduisant certains de ses coups de cœur. Alors, on est en 39e position du palmarès avec Genesis et l'album Nursery Crime. Nursery Crime qui est paru en 1971, qui est le troisième album du groupe, et la pièce qu'on va entendre, c'est The Musical Box. Alors voici Genesis. Song. Just a little bit more. play me my song. Play me my song. Oh, brush back your hair. The wreckage of the night.